Le quotidien coréen Le Dong Sinmun, en date de 24 juillet, a présenté un commentaire sous le titre « Acte inconsidéré » qui note entre autres. Il y a quelque temps, les autorités sud-coréennes, comme le ministre des Affaires étrangères et le vice-ministre de l'Unification, ont rencontré le rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme de la Corée du Nord et sa suite en séjour à Séoul pour mettre en cause notre République autour de la situation des droits de l'homme et parler de leur collaboration avec la communauté internationale. Ainsi, acculé dans l'impasse par notre réussite au lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14, les autorités sud-coréennes s'évertuent au tapage démagogique anti-nord-coréen des gens en faillite en mettant de nouveau en cause les droits de l'homme du Nord. Mais leur démarche n'est qu'un acte inconsidéré. Rappelons que le pire endroit des droits de l'homme dans le monde est la Corée du Nord. Si les autorités sud-coréennes s'intéressent vraiment des droits de l'homme, elles doivent régler tout d'abord les problèmes entassés chez elles. Elles restent sourdes à notre demande de renvoyer nos citoyennes kidnappées collectivement à l'étranger par la bande de Bakouné et les détiennent toujours de force. C'est le pire crime de violation des droits de l'homme. Les autorités sud-coréennes doivent renoncer immédiatement à la démagogie contre notre République et renvoyer sans retard nos citoyennes détenues de façon injuste.